Bonjour! Coucou, hello. Ça y est, les cinémas sont ouverts! Ouais. Donc, c'est toujours Elkatou, accompagné de Nelson et Il me Nio. manque les sols. Hein, Bah tout ouais, ce qui enfin, manque. il récupère après tous ces week-ends de dur labeur. Voilà, vous aussi m'avez manqué les copains. Donc c'est bien en fait au moins que tu sois là pour la dernière quand même parce que bon, Ouais, oui ça parce que va. c'est notre dernière émission, notre dernier Ciné on the Phone. Si un jour on nous reconfirme, on reviendra, mais on va croiser les doigts pour qu'on soit pas reconfiné quand même. Quand même. Et donc voilà, pour cette dernière, on s'est dit avec la rentrée, on va faire une spéciale des films qu'on a vus uniquement en salle. Donc voilà, pour cette rentrée cinéma, que chacun a choisi de voir. Donc on va commencer avec Slalom de Charlène Favier avec Nio. On continuera avec Falling de Viggo Mortensen avec moi-même. Ensuite, avec Adieu les cons d'Albert Dupontel avec Nelson. Ensuite, le dernier voyage de Romain Quirot avec Nio. Et on terminera par Mandibule de Quentin Dupieux avec moi-même. Donc voilà, on a vu, on s'est fait un... Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a fait un programme assez diversifié où on n'a pas vu les mêmes trucs les uns les autres. C'est pas mal. Ouais, chez mon cher Mio, bah vas-y, commence avec Slalom. Eh bien, Slalom, c'est le premier long métrage de Charlène Favier. Vu qu'apparemment, avant ça, elle n'a fait que des petits courts, que ce soit en 2010, tout ça, etc. Et en fait, son premier long, qu'elle signe 10 ans après son premier court, quoi. Et apparemment, Slalom est inspiré d'une histoire qui lui est arrivée, puisque le film traite plus ou moins frontalement, avec pas mal de courage, du harcèlement sexuel et de l'emprise que peut avoir une personne qui est beaucoup plus âgée, tout ça, que ce soit dans le milieu sportif ou d'autres choses, un professeur, un entraîneur, etc., sur un ou une de ses élèves. D'accord. Donc, Slalom, j'ai voulu le voir à la base parce que esthétiquement, je me disais qu'il y avait des belles choses, le peu que j'avais vu. Et puis, parce qu'il y a, en rôle principal, il y a Noé Habitat. Noé Habitat, alors c'est une jeune actrice qui monte, je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais moi j'avais vu le film Ava, qui date de 2017, et Ava, c'était un de ses premiers rôles, le premier grand rôle, elle m'avait subjugué. Elle portait D'accord. littéralement le film sur ses épaules, quoi. Elle s'appelle Noé? Noé Habitat. Mais Ah, Noé avec d'accord. deux œufs. Ah, je ne savais pas que ça existait pour les filles aussi. Hein. Voilà, bah écoute, t'as Noé avec un seul œuf qui construit les arches, et t'as Ouais. Noé avec deux œufs qui prend l'arche. Bah, je vois. Voilà. D'ailleurs, elle a pris grand bain, d'ailleurs. Quand on va faire de mauvais genoux, elle joue dans le grand bain, elle joue la fille de Jean-Luc Anglade dans le grand bain. Ah oui, la demoiselle, oui, c'est vrai. Oui, Mais oui. oui. D'accord. En fait, c'est un peu comme l'actrice de Grâce qui s'appelle Garance Marillier. C'est le genre de jeune actrice qui a un jeu hyper intense, qui on lui laisse le premier rôle. Et moi, c'est formidable, quoi. Et dans le grand bain, bon, c'était un gros rôle, quoi, mais elle arrivait déjà à toucher un petit peu. Mais dans Ava, bah, elle avait le premier rôle. Après, elle a joué dans Genèse, un film canadien. Elle joue dans d'autres trucs qui sont pas forcément arrivés jusqu'à chez nous. Ou même une mini-série, tout ça. Et on la voit donc en 2020 dans Slalom, aux côtés de Jérémy Régnier. Alors, Jérémy Régnier, par contre, je vais pas trop le présenter. Tu me sers de présenter? Oui. Bon, Oui, si tu veux. tu peux rappeler dans quel film il a joué, quoi. Ouais, bon. Bah, Jérémy Régnier, quand même, on lui doit un Claude François dans Clo-Clo plus Break Nature en Ouais. 2012, qui est apparemment un de ses meilleurs rôles. Et puis, il y a très longtemps, il joue dans Le Pacte des Loups, etc. C'est un acteur qui a eu des hauts et des bas et qui revient de temps en temps, qui revient un petit peu par petites touches, quoi. Il est pas vraiment parti, mais il n'a pas non plus autant de rôles. On le voit dans Saint-Laurent, par exemple, en 2014, où il jouait Pierre Berger. Mais après, oui, il y a Ni le ciel ni la terre, par exemple, je sais pas si quelqu'un l'a vu, un film avec des soldats qui se déroule je sais plus si c'est au Kurdistan, en Afghanistan plutôt. Je devais être un des rares de mes personnes que de ma connaissance à voir, avoir vu le film, quoi. Enfin, disons qu'il y a des rôles qui choisissent, qui écoutent peut-être un peu du grand public, je sais pas. Ouais. D'accord. Donc voilà, et ici, donc du coup, il joue le rôle de l'entraîneur en question. Donc voilà, donc en fait, Noé Bissa, elle joue le rôle de Lise, qui s'entraîne très fort pour devenir championne de ski. Et avec la collaboration de Fred, qui est son entraîneur, qui la pousse vraiment de plus en plus dans ses retranchements, elle commence à avoir bah, la championne d'Europe, etc. Elle fait des concours avec, en point de vue, dans quelques années, les JO. Mais au fur et à mesure, disons qu'il y a une espèce de relation de respect d'abord qui se noue entre elle et Fred. Et petit à petit, on s'aperçoit que l'écho se resserre, sans mauvais jeu de mots avec notre chercheur Teto qui reprend le parmi gâteau. L'écho se resserre parce que, à un moment, ça va déraper. Et le personnage va pas s'apercevoir qu'elle va un peu favoriser les choses, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit que ses notes elles baissent, etc., entre les compétitions de ski et l'école, l'entraîneur propose qu'elle passe au chalet pour continuer les cours, etc., avec son amie qui est jouée par Marie Donarno, qui joue le rôle de Lilou, qui est la copine ou l'ex de Fred, on ne sait pas trop, qui viendra lui donner les cours, tout ça, etc. Et la mère, alors la mère est complètement paumée. C'est assez marrant parce que dans Ava, elle avait un rôle, elle avait une mère paumée jouée par Laure Calamy. Et là, elle a à nouveau une mère qui est paumée dans le film, etc. Donc elle n'est pas aidée par sa mère, qui n'a jamais compris sa passion pour le ski, qui comprend pas le truc, etc. Et tu vois vraiment en tant que spectateur le truc qui se resserre, tu commences à le sentir, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice ne montre pas non plus le personnage de Régnier comme un salaud bien total. Le personnage est assez ambigu. À un moment, il y a une séquence assez forte, je vais pas le dire trop, et tu sens juste après, il regrette. Il regrette, mais ça va pas l'empêcher de continuer peu de temps après son petit jeu de venir un peu à la charge, quoi. Je vais pas en dire plus, je ne vais pas spoiler. Et esthétiquement, la photographie du film est magnifique. Même par moments, il y a des éclairages rouges sur la neige, etc., avec le ton, tu sais, les contrastes bleus de la nuit et de la neige, avec le rouge des lampes, tout ça. Il y a un côté expressionniste qui pourrait être plus poussé, mais qui ne l'est pas, malheureusement. Et de même, il y a, on sent vraiment, c'est filmé caméra à l'épaule, les séquences de ski, filmé caméra à l'épaule, les travelling qui suivent vraiment comme si c'était juste derrière la skieuse, juste derrière le personnage. Même Noé Habitat, elle s'est entraînée, tu vois qu'elle a pris du muscle pour le rôle, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais du coup, moi je reste un peu sur ma faim, parce que tu sens que le film a un gros potentiel, et à part la séquence de ski, tout ça, qui montre vraiment une volonté d'action. Le reste du moment, c'est filmé un peu platement. Ça m'a un peu embêté parce que même les éclairages, c'est magnifique, tout ça. La musique, il y a un moment, la musique se manifeste, tout ça. Et tu sens qu'il y a un potentiel qui n'est pas poussé. Ça pourrait être un grand drame. C'est juste un film intéressant, un drame intéressant, quoi. Donc, voilà. Après, moi, je dis oui, mais il vaut quand même le coup d'être vu. Mais je pense que d'ici la fin 2021, je risque de l'avoir un peu oublié. Voilà. Tu disais que c'est Noé Abin qui a une mère, comment ça s'appelle, qui a une mère paumée. Ouais, tout comme dans Ava. D'accord. Ava, dans Ava, c'était sa mère, c'était joué par Laure Calamy. Là, c'est Noé, Muriel Combeau. ouais, pardon, Noé Habitat, excuse-moi. Mais du coup, c'est la même chose aussi dans, comment ça s'appelle, dans, merde, le Grand Bain. Parce qu'en Grand Bain Ouais. aussi, son père s'est impaumé, hein, en fait. Hein. Ouais. Donc, Père paumé, mais à la différence que dans le grand bain, son père, il aimerait bien que sa fille le reconnaisse, etc. Tout ça. Et il va tout faire pour que sa fille s'intéresse et aussi pour gagner son truc. Nick là, la mère, tout comme dans Ava, la mère, elle est paumée. Et tu te demandes vraiment jusqu'à la fin du film si elle comprend tout ce que sa fille endure et qu'il y a un entraînement parce que de plus en plus, c'est du surhumain, tout ça, etc. Et tu te dis, bah jusqu'à la fin, tu te dis que la mère, même à un moment, au téléphone, la mère qui fait, ouais, je pensais avoir des vacances, que j'ai rencontré ce mec, etc., on pourrait partir à machin, etc. Mais toi, t'auras pas de jour, etc. Donc, bah, je vais pas pouvoir venir, ma chérie, mais je penserai très fort à toi. Tu fais, ah ouais, ok, bon, ben, quelle sorte de mère est-ce là, quoi. Voilà, ouais. D'accord. Ok. D'accord. Bah écoute, moi de mon côté, donc j'ai vu Folligne, qui est le premier film de Viggo. Bah pour moi, jusqu'ici, Viggo, ça évoluait. Avant Seigneur des Anneaux, pour moi, Viggo, c'était Ghostbuster 2. Cronenberg, Cronenberg. De quoi? Bah, bon, Viggo Mortensen, c'est devenu un acteur récurrent chez Cronenberg par la suite. Oui, je sais, mais j'ai dit avant le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Écoute, pas Mais Viggo, en toutes. plus, c'est pas Mortensen qui joue dans Scénario X-62, c'est le. Viggo, c'est Non, le non, méchant mais qui s'appelle Viggo, c'est Papa, le c'est nom bon. du méchant. Ouais. Non. C'est pour ça, c'est ça que je Mais veux oui, dire. c'est pour ça que je dis ça, c'est que dans Ouais. Ghostbusters 2, c'est Ouais, Viggo, c'est la peinture, c'est le gars de la peinture. parce Donc, que moi, je pense Viggo, je pense au film Viggo, mais c'est pas pareil. non, On n'a pareil, aucune pas, non, info. mais. Viggo, c'est le roi de la pomme de terre aussi. Oui, Voilà. bien sûr, allez, vas-y. Au moins, moi, j'étais dans une thématique ciné, quoi. Vous êtes sur la bouffe, quoi. Allez, je veux que tu termines ce Ouais, on est parti en couille, là. podcast. Folie de premier film de Viggo. Donc, on avait dit, donc, avec un super casting. Donc, pour résumer un peu l'histoire, c'est disons que t'as un gars qui donc le personnage de Viggo Mortensen qui s'appelle John qui vit avec son mari et leur fille adoptive et en fait le film en lui-même c'est la tranche de vie donc du personnage de John qui s'occupe de son père qui vient qui l'accompagne voilà, qui lui rend visite dans sa famille et à cette occasion bon, on sent bien que la relation entre le personnage de Viggo et celui de Lance Erickson est assez tendue parce qu'ils ont une relation père-fils qui a pas l'air d'être facile et il doit s'occuper de lui au passage lui faire l'amener chez le médecin lui faire visiter une maison au passage ils évoquent cette possibilité là aussi et donc voilà pendant tout ce truc là en fait pendant toute cette tranche de vie il y a des souvenirs de leur vie passée de la vie de famille de des souvenirs du père en fait de ce qu'il a été de ce qu'il a vécu qui s'interpose dans le récit dans ce qu'ils vivent. Après, tout ça, c'est juste un prétexte à voir, à faire le comparatif et à voir comment. Parce que vraiment, le titre Falling, c'est ça en fait. C'est, enfin, pour moi, c'est ce que ça m'évoque, c'est-à-dire que c'est voir d'où on est parti et comment le personnage de Lance Erickson, à quel point il est descendu, quoi. C'est-à-dire que c'est parce que le personnage de Lance Erickson, c'est un personnage assez beau. Assez conservateur en parallèle avec le perso enfin en opposition avec le personnage de Viggo Mortensen qui est plutôt un homme qui est l'espèce d'antithèse de son propre père quoi et finalement c'est toute cette opposition là en fait enfin, le film reflète bien comme il est difficile d'entretenir en fait une bonne relation et de s'occuper de ses parents lorsqu'on ne correspond plus à leurs attentes et à leurs idéaux en fait. Donc voilà. Donc dans le casting, on a aussi Laura Linney qui était dans le film la semaine dernière dont on parlait qui s'appelait Tu peux compter sur moi où elle jouait qui était l'histoire d'un frère et d'une sœur et là aussi elle joue la sœur donc de Viggo Mortensen aussi donc qui elle-même aussi a des difficultés avec aussi le personnage de Lance Erickson parce que finalement en fait on présente le film comme étant un film sur la relation père-fils alors que c'est enfin, clairement, le gars, il a des problèmes avec tout le monde en réalité, quoi. Et c'est parce que c'est le personnage de Viggo Mortensen qui est central et qui amène à parler de cette relation. Donc c'est pour ça que c'est cette relation-là qui est un peu plus développée. Mais en réalité, il a des problèmes avec tout le monde, le gars, quoi. Parce que voilà, il est. Ah, comment dire? Attends. Que je retrouve mes petites notes. En fait, en gros, tu vois, tu vois, quand tu regardes le film, on ne peut pas s'empêcher d'être compatissant, en fait, pas pour le personnage de Lance Erickson, qui, malgré la vieillesse et des souvenirs passés de ce qu'il a été, ce qu'il a vécu, on peut se dire, on peut avoir un peu d'empathie pour lui, tu vois. Mais en plus, l'interprétation de Lance Erickson est vraiment sans faille, quoi. Il est nickel, quoi. Mais pour le plutôt pour le personnage de Viggo Mortensen et son compagnon aussi, parce que enfin son mari qui doit supporter tout ça aussi, tu vois. Parce qu'en fait, tous les deux, ils essayent de tenir leur rôle au sein de la famille. C'est-à-dire que le personnage de Gormantensen, tu vois qu'il essaye de vraiment tenir son rôle de bon fils, tu vois, d'être vraiment sans faille à ce propos-là. Et le personnage de son mari aussi, qui est là, enfin, qui voilà, t'as ton compagnon, tu vois, qui vit quelque chose de dur, bon, bah, tu le soutiens. Donc, et c'est vraiment pas facile. Et en fait, de ce côté-là, ça montre bien que bah, par amour, on supporte beaucoup de choses aussi, quoi. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que la critique du monde parle d'une relation sadomasochiste entre le père et le fils. Je suis pas tout à fait d'accord, hein. Je pense que c'est plus une question d'affection et puis de devoir, en fait, filial. Et en fait, au milieu de tout ça, tu as des enfants. Donc la fille du personnage de Viggo Mortensen et de son mari, et en même temps aussi les enfants du personnage de Laura Linney, qu'on voit un petit peu aussi, et qui renvoient avec toutes leurs innocences et leur sincérité au personnage de Lance Harrison, ce qu'il est et en fait finalement ce qu'il dit aussi, quoi. Parce que eux, ils sont encore plus en décalage. C'est-à-dire que si le personnage de Lance Harrison est en décalage avec ses propres enfants, Laura Linney et Viggo Mortensen, ils sont dans une position où, bah, ok, ils sont en décalage, ils sont un peu plus, c'est pas la même époque, mais en même temps, ils supportent parce que c'est l'aîné, parce que devoir filial. Les petits-enfants, eux, sont plus éloignés en fait dans leur devoir filial, donc du coup ils n'hésitent pas à leur faire sentir quand il y a quelque chose qui va pas, quoi, à lui faire sentir quand il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, finalement, le personnage de Lance Erickson, il ressemble à beaucoup de gens qu'on connaît, c'est-à-dire que des gens d'une autre époque. Et lui, son personnage, il a basé toute sa vie sur son statut de père de famille, fier d'être américain, conservateur, qui aime chasser le dimanche, avoir une petite femme qu'il sert. Et finalement, au lieu de se remettre en question, il préfère blâmer les gens faute de pouvoir évoluer. Et c'est super actuel comme thématique, quoi. Et il reproche, par exemple, sa sexualité à son fils, il comprend pas le modèle familial dans lequel il vit, il craint que son petit-fils ne suive le même chemin aussi, il lui reproche sa couleur de cheveux, tu vois, par exemple, en disant, ouais, quoi, t'es gay toi aussi, enfin voilà, il reproche le style vestimentaire à sa petite-fille qui est un peu goth, enfin voilà, c'est une forme un peu classique de reproche. Il y a ce c'est un c'est un le la différence générationnelle, c'est un thème qui a souvent été abordé dans les films, mais là voilà, je trouve que ça, il y a une résonance avec actuellement, justement, avec beaucoup de chevauches qui se passent dans notre société. Surtout avec ça a beaucoup été illustré par des films comme The Judge ou avec Robert Duvall, Ouais, on c'est voyait vrai, voilà, aussi. et puis t'as aussi certains films de Clint Eastwood aussi, voilà, comme Gran Torino et tout, où on voit un mec complètement décalé avec son époque qui reproche le mode de vie des gens de maintenant, quoi. Donc voilà, tu peux continuer, excuse-moi. En fait, on est vraiment sur une partie de la société qui refuse d'évoluer et finalement, en fait, qui sont en opposition avec une autre partie de la société qui, elle, se découvre, s'épanouit et fait que la société est plus diverse, en fait. Et je trouve que, même si le sujet a été beaucoup abordé, je trouve que là, il y a une bonne description de ce qui se passe, en fait. Parce que finalement, tu as le personnage de Lance Erickson qui est tout seul face au reste de sa famille qui, lui, a évolué, quoi. Et que son personnage à lui, en plus, chaque fois qu'il a eu, enfin, c'est les femmes qu'il a eues dans sa vie l'ont fui parce qu'il les rendait malheureuses. Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc de voilà, t'as quelqu'un qui, dans sa tête, qui refuse d'évoluer de tout et de considérer l'autre, finalement. Je trouve que le film va plus loin que juste raconter une relation père-fils, quoi. Il y a la relation père-fils, père-enfant, mari-femme, et tout ce ton progressiste, quoi. Après, en soi, le film, il a une bonne facture. On sent que la production a été très soignée. La narration sautant d'une époque à une autre en permanence, il y a un plutôt bon travail de montage, d'autant plus qu'il fallait aussi refléter l'état d'esprit actuel et la sénilité dans laquelle se glisse le personnage de Leslie Henriksen. Donc, après, il y a peut-être des petites longueurs par-ci par-là. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux choses qui étaient peut-être enlevées. Mais d'une manière générale, voilà, c'est plutôt sympa. Et pour l'anecdote, il y a Cronenberg qui joue un petit rôle dans le film. Ah Donc, ouais. voilà. Après, sur le casting, moi, je trouve que tout est plutôt bien fait. Et alors, j'ai trouvé ça marrant, en fait, que il est des acteurs aussi pointus, en fait, dans les rôles. Sauf pour celui qui fait le mari, en fait, du personnage de Viggo Mortensen, c'est Valtteri Chen, l'acteur. Lui, c'est un mec qui est plutôt axé très télévision. Il fait plein de télévision en fait, et j'ai trouvé ça marrant cette opposition quoi entre des acteurs très finoches et tout très pointus et lui qui fait beaucoup beaucoup de télévision quoi. Et mais en plus des trucs de télé genre la série Van Helsing, des trucs des DC Legends, il a fait de tout quoi, des trucs enfin pas forcément des trucs hyper des trucs très grand public voilà c'était donc je trouvais ça marrant mais voilà. Donc, Falling est plutôt sympa. Après, c'est pas, moi, ça m'a pas hyper, j'étais pas au bord des larmes, mais je trouve que ça a plutôt une résonance sociétale. Walou! Ok. Bah, notre cher Nelson, c'est à toi! Ouais. Ben, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Parce que je trouve qu'on dit jamais assez bonjour. Adieu les cons, sorti en 2020, est un film d'1h27 réalisé par Albert Dupontel avec Virginie Efira. Albert Ouais, c'est une Dupontel, ressortie, Michel ça. Hein. Gré. Excuse-moi, C'est c'est une une. ressortie. Ouais, Une parce ressortie, en effet. il avait un petit, il était un petit peu sorti et c'est vrai qu'il n'a pas eu sur toute la longueur qu'il aurait pu avoir avant le confinement, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, de toute façon, il avait fait un bon démarrage parce qu'il avait fait 700 000 entrées, quoi, tu vois. Ouais. Alors, surtout si vous avez pas vu le film, ne regardez absolument pas la page Wikipédia parce qu'elle spoile complètement tout le film. Absolument tout. Là, je viens de la découvrir, c'est le film de A à Z, quoi. C'est même pas un synopsis, c'est la totalité du film, quoi. Bref, ça raconte l'histoire de JB, alias Jean-Baptiste Cuchat, alias Albert Dupontel, qui est un administrateur réseau qui travaille alors je pense que c'est, en fait, c'est une administration gouvernementale, et en fait, il ne supporte pas, en fait, le fait d'avoir appris que il va être remplacé par des jeunes pour installer en fait, pour faire tout un système de sécurité pour cette administration. Et donc, du coup, il veut se suicider, mais il se suicide, mais il fait ça tout croche, en fait, et du coup, il se rate, et la balle, elle part, mais en fait, elle part pas pour lui, elle part pour un mec à côté qui bosse dans l'administration aussi et qui est en train de s'occuper du dossier de Sustrapet, alias Virginie Efira, qui est une femme qui a la quarantaine, mais qui est une coiffeuse qui a une maladie auto-immune qui la condamne complètement. Et donc, comment il s'appelle, JB, avant de tenter de se suicider, il s'était filmé, et Suze voit que, en fait, il a tenté de se filmer et que il a filmé le fait que ça a foiré. Et ben, du coup, elle décide de prendre l'ordinateur et de s'arranger avec JB pour que, si jamais, enfin, pour que JB l'aide à retrouver son enfant née sous X, parce qu'elle est tombée enceinte à 15 ans, elle a dû à accoucher et envoyer son fils en théorie à la DAF. Et donc, si jamais il l'aide, eh ben, elle promet de témoigner pour l'innocenté. Bah, c'est le départ, c'est le départ de l'histoire. Et alors, ce film, qui sent quand même beaucoup le film tourné en studio, parce qu'il y a énormément de choses qui font vraiment penser au studio, a une très belle image, une très belle, comment ça s'appelle, une très belle image et une très belle réalisation. Et du coup, bah, il fait énormément penser, en tout cas pour ce qui est de l'administration, à Brasil. D'ailleurs, il y a, Ouais, il y faut pas avait eu louper ça, Terry. ouais. Mais quand il y avait eu Ouais, des faut pas comparaisons. louper Terry Gilliam qui passe à un moment dans le film. Ouais. On sent ses influences malgré tout. On sent la patte du Pontel avec son humour noir. Mention spéciale comment dire, à Monsieur Blin. Le mec de EDF, comment ça s'appelle, le mec de EDF qui est aveugle, Ah ben il a un César en plus. bah voilà, bah, du coup, joué par Nicolas Marié, Ouais. qui jouait le méchant de service dans Safari, qui pour moi est le meilleur des films de Cadet Olivier. Et vraiment, bon, pour moi, j'ai jamais compris que pardon, jamais compris le succès. Je croyais que t'allais dire qu'il avait déjà joué avec Dupontel, en fait. Tu parles de sa Non, Paris. mais je sais qu'il a fait d'autres films avec Dupontel, mais moi c'est vraiment dans Safari. Moi, ce mec-là, c'est le méchant dans Safari, et qui pour moi est un des meilleurs films de Cadet Olivier. J'ai jamais compris pourquoi tous les gens se branlent sur qui a tué Pamela Rose, quoi. Pour moi, le meilleur vraiment, c'est Safari, qui est d'ailleurs passé il y a 2 semaines sur C8, je crois, et avec lequel je me suis encore tapé une très bonne barre. Voilà, donc il y a tous ces personnages un peu ouf, complètement décalés, typiques de l'univers de Albert Dupontel. Après, on peut pas quand même ne pas reprocher au film d'avoir une idée de système scénaristique un peu trop facile. On peut pas ne pas reprocher au film d'aller un peu dans le pathos, surtout pour ce qui est du dénouement de l'intrigue principale. Mais quand même, la déco, moi je l'adore. Enfin, tout le film, tout ce monde irréel où cette lumière qui fait vraiment penser qu'on a l'impression que le film il est tourné dans un pays Ah mais ça a tu l'air sais, genre, toujours. ouais, le Mexique, genre, mais t'as l'impression que le truc est tourné au Mexique, c'est tellement que c'est la lumière, on a l'impression que c'est dans un pays chaud, tu vois. Il y a un peu aussi, je trouve qu'il y a un petit peu un petit côté chute libre. Le film avec comment il s'appelle, Michael Douglas et Robert Duvall, je trouve un petit peu aussi qu'il y a un peu ce côté dans l'image, dans le certains aspects du film, il y a un petit côté chute libre. Et j'aime bien comment il a été mis en scène, qu'on sent vraiment qu'en fait c'est ce gars JB, c'est ce mec complètement écrasé par sa condition sociale, complètement écrasé par le fait face à une espèce de ce mastodonte qui est l'administration. Il essaie de lutter contre dans un premier temps, il essaie de faire avec, enfin, de s'intégrer à l'administration, ce truc, de par son travail, de par le travail qu'il fait à la base. Et puis finalement, tu t'aperçois que le mec, il préfère, il trouve un moment ce moyen de se libérer. On s'aperçoit qu'en fait, sa porte de sortie, c'est vraiment le personnage de Sustrapel, c'est vraiment sa porte de sortie. Et qu'on voit qu'au final, aussi, dans son accoutrement, il se libère peu à peu des oripeaux de sa condition sociale. Et tu vois que le mec, au début, il est habillé avec un teint sur sa cravate et tout. Et puis d'un coup, au fur et à mesure, bah, il quitte sa veste au fur et à mesure et il commence à enlever sa cravate. Et puis à la fin, tu vois, il veut plus ressembler du tout à toutes ces personnes qu'on voit en fait dans tout le film, qui sont, tu vois, bien sapées, complètement captées par les écrans, complètement. C'est limite, quand tu regardes un peu le film, l'impression que hors des personnages principaux, Et tout le reste, c'est un peu des zombies, quoi. On voit, et puis on voit aussi cette espèce de, la machine à broyer qui est l'administration. Tu vois dans toute son œuvre, dans le personnage de JB, qui s'appelle Kusha, c'est que son supérieur appelle Kuchos, tout le fin Itsugur à chaque fois dans son nom, quoi. Et tu sens que cette espèce de déshumanisation qui est présente en fait dans ce film et qui est très bien montrée en fait en réalité. Donc moi j'aime bien ce film malgré le fait qu'il y a quand même des facilités scénaristiques et des fois des ça vire un peu dans le pathos, mais sinon, ouais, l'ambiance du film et le rythme surtout, enfin moi c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que je me suis pas emmerdé une seule seconde. J'ai beaucoup rigolé, le film il a un rythme très soutenu, les gars sont très drôles et ils sont pas lourds. Et rien que pour ça, vraiment, j'ai bien accroché au film dès le départ. Il a vraiment bien souligné l'absurdité du monde d'aujourd'hui, en fait, le fait le conditionnement des gens jusqu'à même jusqu'au tréfonds de l'administration. Quand tu vois le personnage de Blin, c'est un mec qui est complètement, enfin, qui avait une vie sociale sympa et tout machin, puis qui du jour au lendemain se retrouve aveugle et il est foutu au fond des archives. Et ça, c'est un truc que tu vois, tu dis, ouais, c'est le mec, on le fout là, il sert plus à rien et on le cale là le temps qu'il meurt. Et en réalité, même le personnage de Blin, on sent que ce mec-là, malgré son handicap, malgré sa cécité, il veut aussi se libérer de sa condition, qui est d'être un mec qu'on fout là et dont on n'a plus besoin, quoi, qu'on jette après utilisation. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien mis en scène et vraiment bien souligné par le film. Après, bon, je peux lui reprocher aussi ce côté un peu trop studio que j'ai remarqué, mais après, peut-être parce que c'est mon œil à moi, mais il y a certains trucs aussi qu'on peut remarquer. Par exemple, le Kino Flow dans la fin de séquence où on voit dans le reflet des lunettes C'est de vrai. Serge Dupontil la lampe qui est en train de l'éclairer. Tu vois le kinofeu dans le reflet, tu dis bon, quand même, merde, t'aurais pu faire un effort. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé la fin, le film est jusqu'au boutiste. Il est pas. Il tire dans le pathos à certains endroits, mais il n'est pas convenu. Et ça, j'ai trouvé ça bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages, certains personnages secondaires. Genre le médecin joué par Bouly Lanners qu'on voit au départ, qui est genre anti-flic et tout, mais qui est vraiment, c'est par exemple son dialogue, moi j'ai trouvé très fin, donc c'est pas lourdingue, donc c'est un film que j'ai bien aimé malgré certains défauts, mais c'est pas un film, c'est pas le film, genre j'ai lu des trucs genre qui disaient le film qui fait tache dans la filmo du Pontel, et ça, je suis pas d'accord du tout, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que Ok. j'avais à dire par rapport à ça. Bah, Nio, toi aussi, t'avais vu le film avant le confinement, toi? Tout à fait, c'était un des derniers films vus en 2020, avec dans la même foulée, le même jour, Calamity Jane en filmation, quand l'enfance de Calamity Jane, et Le Petit Vampire de Joan Farr. Donc, c'était une petite journée pour petits et grands, on va dire. Avec de Ouais. l'émotion, des rires et des chants, mais pas les deux enfants. Mais Pas du les coup, deux enfants. toi, tu t'en avais pensé quoi de Dieu les cons? Bah écoute, moi c'était mon premier du Pontel, et pour l'instant c'est le seul que j'ai vu. D'accord. Donc, comme Nelson le dit, il y en a qui disent que ça peut faire tâche, mais moi j'en ai vu aucun, donc je ne peux pas juger, enfin, à part celui-ci, j'en ai Bah vu si, qu'un tu peux autre. juger le film de la qualité du film en lui-même, hein. Et voilà. Et le quasiment lui-même, je croyais que c'était boxé comme. Un joli conte, comme j'ai trouvé, mais moi, l'émotion, seulement, il y a juste la fin, les 10 minutes, que ça m'a Ouais. pris. Il y a des moments au milieu du film, comme Nelson l'a dit, mais du pathos, mais ça n'a pas marché sur moi, quoi. Le début, j'ai trouvé formidable, le début. Les 10 minutes sont pas mal, et au milieu du film, j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de petit coup de mou à un moment, quoi. Va savoir. Et puis même, quand il y a le... Enfin, je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont toujours pas vu, parce que comme, voilà, comme on l'a vu, la Nelson, bah, il l'a rattrapé, donc peut-être que d'autres spectateurs vont le rattraper, même des gens qui nous écoutent. Mais le fait de rapprocher le gamin avec la fille, etc., si tu sors du contexte, ça peut être un peu Voilà, creepy. je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Alors moi, dans l'ensemble, si tu veux, quand j'ai, enfin, j'avais vu avant le confinement aussi, alors effectivement, le côté émotionnel, on sent qu'il a envie de faire quelque chose, mais sans que ça atteigne vraiment, en fait, je trouve ça dommage. Mais en même temps, il y a une sincérité qui part, voilà, c'est, même si ça atteint pas vraiment tout à fait l'objectif, je trouve que sa sincérité prime sur l'efficacité. Et par contre, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur la fin, en fait, enfin, sur le côté de rapprocher le gamin, voilà, avec l'autre, avec l'autre personnage, je trouve ça extrêmement creepy. En fait, c'est vraiment, je pense que c'est un point de vue masculin également, en fait, enfin, un point de vue peut-être masculin, mais aussi passéiste, en fait, parce que c'est une époque où on se disait, il y avait une époque où on pouvait penser que c'était quelque chose de touchant, mais maintenant, voilà, c'est des trucs où de plus en plus de nanas disent, voilà, ce genre de situation, c'est non, c'est mais ça fait très mal à l'aise. Et alors c'est marrant parce que du coup l'acteur qui fait le gamin, donc ce côté un peu creepy, c'est un acteur qui s'appelle Sébastien Huguetto. Et ce mec-là, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, en 2018 je crois, Pathé avait sorti un spot. Patagon est sorti un spot pour inciter les gens à venir dans leur cinéma où il y avait justement un truc. Je crois que la thématique c'était les grandes histoires se vivent sur grand écran et il y avait un spot où un mec allait au Cinoche à chaque séance parce qu'il y avait la nana qui voulait qu'elle ait à chaque fois dans ce truc-là. Et en fait, d'ailleurs, enfin, à l'époque, les gens avaient réagi en disant non, mais c'est un peu creepy comme situation parce qu'en fait il la stalk. Et il y avait même des gens qui avaient remonté le truc en disant derrière, en montant ça avec une musique de film d'horreur derrière, ce qui donnait quelque chose. Et en fait, c'est l'acteur qui joue le fils jouait le mec qui stalkait aussi. Donc, c'est un peu, il a une espèce de thématique là, tu vois. Imagine, tu vas au cinéma pour stocker la nana, etc., et ça passe carte UGC au Gaumont, bah en fait, ça va te coûter pour bon, pour rien du tout, finalement, au Oui, final. pour stocker le stock est coûteux. Mais donc voilà, je trouvais ça marrant en fait quand j'ai vu que c'était lui qui jouait le fils. Est-ce que c'est judicieux que ce soit lui qui joue le fils? Après, il a la tête pour ça. Hein, je veux dire, il a ce côté. Il a typiquement la tête du gars qui peut jouer à la fois le stalker et le mec. Oh, il est touchant, tout ça. Mais bon. Mais voilà, c'est un peu. Voilà, je suis un peu de ce côté-là. Je suis un peu d'accord avec toi, Nio. Donc ouais, bon, et c'est tout pour toi, Elsa? Ouais, c'est tout pour moi. J'avais franchement, ouais, non, c'est tout pour moi. Ah, non, Bon. c'est ça, juste un truc. Oui. La demoiselle qui joue justement la fille que cherche Adrien, le gars qui joue le fils, Ouais. elle est super jolie. Elle est vraiment super jolie, donc je tenais à le dire, elle est sublime. D'accord. Voilà. Nio, C'est moi. le dernier voyage qui est. Alors moi, je vais faire l'impasse sur voilà, mais parce que j'ai envie de rien entendre sur le film avant de le voir, mais voilà, parce que je sais pas à quoi m'attendre et du coup, je préfère rien savoir. Parce que C'est j'ai d'en parler sans trop spoiler, mais bon. Ouais, mais voilà, c'est pour ça. J'ai à la fois beaucoup d'attentes et beaucoup d'appréhension dessus. Donc, Ah, donc, faut pas avoir beaucoup d'attentes, justement. alors, je dis rien, t'en as déjà d'autres, t'en dis trop pour moi. Voilà. Vas-y, Voilà. vas-y, pardon. Alors, le dernier voyage, donc, qui est aussi le premier titre, c'est le dernier voyage de Paul W.R. Il faut savoir que c'est le premier long métrage de Romain Quirot, mais ça reprend en partie un court métrage qu'il a fait en 2015, qui s'appelle Le dernier voyage de l'énigmatique Paul W.R. Vous sentez le mot énigmatique qui était rajouté? Ouais, bah ouais. Et qui s'appelle Paul Kiro? C'est Romain qui est réalisateur. Romain Kiro, d'accord. Et son, comment on appelle ça, son scénariste, c'est Paul Tracteur? Non, non, non. C'est Ah, je vais Tracteur? reprendre Nelson parce que Nelson commence à dormir. C'est Tracteur? Oh putain, tu l'as pas compris, merde! Et je suis concentré, voilà. D'accord. En Donc bref, il reprend allez, continue. son court métrage un peu et il va l'étendre. Puis vu qu'il y avait cette énigmatique entre guillemets PWR dans le titre, donc il fallait expliquer l'énigmatique. Et alors je vais parler vite fait du point faible du film, histoire de pas trop m'attarder dessus pour laisser à notre cher Catou toute la surprise quand il ira voir le film. Le scénario, il est basique. Il est très basique. Et il essaie un peu de complexifier le tout avec des allers-retours, flashbacks, etc., en noir et blanc, tout ça, etc., retour au présent. Bon, je ne veux pas trop en dire plus. Le film a beaucoup de références, même un peu trop, à tel point que ça m'a fait marrer parce qu'il y a quelqu'un qui a donné juste un avis en deux mots, qui a dit « Oh, c'est notre Mélancolia sur Héroïde ». Là, déjà, j'ai déjà dévoilé deux influences. Je vais pas dévoiler toutes les influences. Mais voilà, quand tu vois le film, tu vois tous les trucs qui te sautent à la gueule si t'es cinéphile, particulièrement si t'es un peu de science-fiction comme moi, et tu fais « Ouais ». Par contre, ce qui est intéressant, et après je vais laisser ça à l'appréciation de Katou ou même de toi, Nelson, quand tu le verras, ce qui est intéressant, ce sont les aspects purement français qui ressortent, parce que chez nous, notre science-fiction française, elle a toujours des aspects complètement décalés et à part, qui font un peu tout le sel de nos films, quoi. Parce que voilà, tu t'attends pas, par exemple, à trouver un film de science-fiction comme ça, à avoir du Eddie Mitchell dans la bande sonore, ainsi que du Barbara. Ah ouais. Et je peux te dire, une scène d'action sur du Eddie Mitchell, tu fais, ah ouais! Voilà. Ah, attends, une scène de combat sur la fille couleur mentalo, tu fais, oui, bon. Mais d'un autre côté, ça permet d'avoir ce petit aspect décalé. D'ailleurs, il y a un point qui est très intéressant, c'est l'esthétique du film. L'esthétique du film que beaucoup d'entre nous on a vu dans la bande-annonce, comme beaucoup d'entre nous, et le film est vraiment vraiment bien soigné, tout ça fait vraiment plaisir. C'est voilà, donc malgré les influences, malgré les trucs qui sont peut-être inévitables, je sais pas. Enfin, je pense pas que ce soit inévitable dans ce film français de science-fiction, parce que quand on voit Jeunet et Carreau qui se balancent des trucs, des espèces d'ovnis, voilà, donc bon. Ah, Attention parce que c'est là le prochain Jeunet, il va s'appeler Bug, je crois, et c'est un truc qui a l'air d'être de la science-fiction. Bug. Ouais, mais je sais pas en fait encore si ça va être un film de science-fiction ou si ça va être un truc qui fantasy, je sais pas trop. Ouais, parce que moi je pense à Bug, je pense au truc de Friedkin qui a fait une complètement paranoïaque. Non, non, apparemment, c'est marqué sur IMDb 2020, Jean-Pierre Jeunet, Big Bug. Ah, Big Bug, merci. Big Bug. C'est marrant parce que tu penses aussi au bug des années 2000, quoi, tu te dis, il y a un truc qui va déconner. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est, je sais pas, moi, je croise les doigts parce que Jeunet, c'est quelqu'un qui a su faire preuve au début de sa carrière et en plein milieu d'un certain renouvellement. Bon, et même s'il a un peu patiné vers la fin, je pense que, oh, faut voir, faut voir. Donc, on revient un peu à notre dernier voyage. Le film, en plus, autre surprise intéressante, en plus de son esthétique, le film a un casting assez sympathique. Nous avons Hugo Becker qui joue le héros. Alors, Hugo Becker, j'avoue, je ne savais pas trop qui c'était. Et comme je ne suis pas très série, voilà, je remarque les autres, par exemple, dans Baron Noir. Voilà, tu me redis ça, ils ont 10% à un moment. En fait, c'est quelqu'un qui vient dans pas mal de séries de ça, mais qui était déjà dans le court-métrage de 2015. Donc là, il reprend le rôle, etc. C'est un peu comme si c'était la concrétisation du rêve de deux compères, le réalisateur et son acteur, de pouvoir tourner ça. Est-ce que vous connaissez, vous, Hugo Becker? Non, du tout. Moi, je sais qu'il y a Jean Reno dedans, c'est tout, quoi. Voilà, on va y venir. Donc Hugo Becker, je ne connaissais pas trop. Jean Reno, inutile de le présenter. Jean Reno, le meilleur acteur qui a joué avec son meilleur film, c'est Wasabi. Non, je Oh, ça, déconne. tu m'as fait peur, là. Tu m'as fait peur. Non, non, mais Jean Reno, c'est quand même plaisir de le voir de temps en temps, quoi. Il a joué dans si ou encore des petits trucs, etc. Mais pas forcément des films qui sont mis dans le devant de la scène. Enfin, si, il y a Les Visiteurs de la Révolution en 2007 qui était mis sur le devant de la scène. Mais bon, ça, je pense pas qu'on peut être très fier de ça. Il y avait le film là, tout pourri où il jouait un tueur et alors qu'il arrivait à peine à marcher. Ah, il faudrait que je demande à Katou, mais, parce qu'elle l'a vu, elle avait vu, mais je me souviens plus. Il y a aussi, il avait fait un film anglais qui est sorti dans l'indifférence générale. Il y avait Angelica Houston dedans. C'est pas Donc Col là, Bleu le défi, non? non, c'était, oui. Alors, je sais plus le truc s'appelait. Je crois qu'il s'appelait Anya, un truc comme ça. Il faudrait que je Oui, regarde. oui, oui, oui. 2020. Ah bah tu Ouais. m'étonnes, 2020, il a dû tomber en pleine pandémie tout ça. Ah bah il n'y a même Ouais. pas de date pour Anna. Il n'y a même pas de date, je crois que le film s'est fait jarter à cause du Covid tout ça, quoi. Il n'y a aucune date de sortie en France. Oui, Waiting for Anna, tout à fait, c'est l'original, il s'appelle Anya. Anya, ouais, Waiting for Anya, ouais, exactement. Avec quand même, ah quand même, Elsa Silberstein, Sally Frost, Angelica Houston, Thomas Kretschmann, Jean Reno. Et puis Schnappo, là, le gamin qui jouait dans Stranger Things. Benoît Schnapp, je crois qu'il Schnapp. s'appelle. Tout Ouais, à fait, voilà. Schnapp, comme le Schnapp, mais bon. Ah, Schnappi, Schnappo, Voilà, Schnapp et Schnappo. Donc, Jean Reno est toujours là, ça fait plaisir pour des projets assez différents, quoi. Alors, aussi, on a un certain Paul Ami. Alors, Paul Ami, moi non plus, je ne sais pas si c'est votre meilleur ami, mais Paul Ami, en non. tout cas, Eh, mais je vous laisse 2 minutes, vous partez en cacahuète sur les jeux Donc Paul Ami, honnêtement, c'est un acteur. Je regarde sa filmographie, je n'ai vu aucun film avec lui. Je mots, n'ai pas vous, hein. vu L'Ornithologue, je n'ai pas vu Le Divan de Staline, je n'ai pas vu le film Un Français, je n'ai pas vu Sibyl, je n'ai pas vu Fury. Attends, il a joué dans Un Français, il jouait qui dans Un Français? Parce que je l'ai Alors, vu dans Un Français. Un Français, tu l'as vu? C'est le barbu, là. Ah, il joue dans Madame Claude. Madame Claude, le truc qui sortit Ah, sur Netflix. Ah ouais, ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps, en plus. Il joue qui? Dans Madame Claude, il jouait André. Alors, Catou, André, un Oh personnage putain, ça important ou me dit pas? rien. Faut que je voie sa tête. Comment il s'appelle? C'est Paul Ami. Paul Paul Ami, Ami. pardon. Il est Paul Ami. Et dans un français, il y avait Alban Ah, Lenoir et Amu. mais oui! Ouais. Ah, Amu. mais attends, il a même joué, je crois, dans un film qui est sorti, qu'on avait vu à l'étrange festival. Alors, attends, que je vérifie. Qui moi avait fait une petite déception. Il joue dans Mon Roi de Mai Wen. Bon. Ah ouais, d'accord. Mais Non, je crois que alors, ça doit être, je crois que je ça doit crois être le que je mec n'avais encore en. vu aucun film avec lui pour l'instant, donc bon. Ouais, je crois que ça doit être le gars Ah mais moi qui me vient en tête. Ouais. j'ai l'impression de voir souvent sa tête. Hein, On l'a vu dans une pub, je crois qu'il avait joué dans une pub pour Chanel ou Ah un truc comme ça. si, ça y est, je l'ai vu dans un seul film qui s'appelle Neuf Doigts. De J. Hosang. Neuf doigts, mais le film ne m'a pas laissé un grand souvenir, Ouais, finalement. mais il n'était pas passé à l'étrange festival aussi, parce que je crois savoir, c'est en noir et blanc, c'est ça? Et ça. Ouais, ben non, j'avais pas accroché du tout, je suis partie en courant, Bah écoute, c'est un en thriller intéressant, mais trop froid. Trop froid, trop décharné, tout ça. Ouais. Donc, et puis voilà, bah, le dernier de Paul Fury! Ami derrière. Enfin, Voilà, excuse-moi, c'est l'autre film qui était passé à l'étrange festival, s'appelle Fury, qui était une histoire vraie en fait, qui racontait l'histoire d'une famille qui revenait de vacances, je crois, et qui se rendait compte que la baraque à qui ils avaient prêté, je crois la Baby-Sitter ou je sais plus en fait, voilà, ils pouvaient plus y rentrer parce que on leur avait volé leur baraque. Donc ils jouaient dedans. D'accord. Voilà, Ok, d'accord. excuse-moi, Monio, je t'ai coupé. Non, mais après, c'est difficile de pas trop dévoiler le film, etc. Je pense avoir fait le tour. La musique mélange des influences purement françaises et des musiques de la chanson française, donc Barbara, Edith Michel, tout ça, avec parfois des passages un peu Saint-Ouen. C'est assez un cocktail étonnant. Après, on va dire que je suis difficile. J'aurais voulu que le film aille plus loin, beaucoup plus loin. Ça m'énerve de voir un tel potentiel à chaque fois, des moyens, etc. Et que les gens, ils posent juste la moitié de leurs couilles sur la table. Ah! Je suis désolé, j'en ai bien deux couilles posées sur la table, quoi, dans ces cas-là, quoi. En même temps, après, c'est courageux de faire la voiture des salles avec, par exemple, un film de science-fiction français proposé dans le tas, quoi. C'est assez courageux, quoi. Mais Ouais. Mais le alors, film, voilà. du coup, Nio, est-ce que c'est un Interstellar en français? On en est Spoil très très loin. le pas, spoil le pas, spoil le pas. Juste, c'est l'Interstellar français. Je pense que on n'a pas encore vu l'Interstellar français. Peut-être qu'il arrivera un petit jour, mais on n'a pas encore vu. D'accord, donc c'est pas ça. Ok. Bon, poursuis sur autre chose alors. Non, mais voilà, je pense que j'ai tout dit, quoi. Non, après, ça se regarde, c'est sympathique, tout ça, mais bon, voilà, voilà, en même temps, j'avais pas trop d'attente, ça, j'ai vu la bande annonce, j'ai trouvé ça intéressant, et je me disais, bon, ça va être un film de science-fiction français sympathique, etc., et c'était effectivement ce que j'ai vu, un film de science-fiction français sympathique, et comme souvent, pour pas mal de science-fiction français, n'auront pas toujours des influences et ont beaucoup de mal à dépasser le statut de simple film, quoi. C'est terrible, hein. C'est bon, voilà. Ouais, mais bon, déjà, il y a un film de science-fiction français, tu vois. Ouais, C'est mais quand pas tu un dis que... court-métrage obscur, c'est pas un truc, genre, un moyen-métrage ou quoi. Là, c'est un long-métrage français, il sort au ciné. C'est pas la première tentative, hein. Après, Ah, c'est pas la première tentative, il y a eu plusieurs essais. Quand tu vois, là, ça s'appelle Le Dernier Voyage, il y a un certain film qui, un certain Luc Besson qui dit, mon premier film s'appelle Le Dernier Combat. Ouais. Voilà. Et là, ça met la barre très haut déjà. Tu regardes Délicatessen, c'est un enfant perdu. Esthétiquement, c'est la classe, mais même l'histoire, tu sais jamais, quand tu la première fois que tu vois Délicatessen, c'est un enfant perdu, tu sais jamais à quoi t'attendre, les 10 minutes qui vont suivre. Le récit, il part à chaque fois, une direction, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est ça. Et C'est ça. voilà quoi, on va pas remonter jusqu'à Méliès avec le voyage sur la Lune, etc. Mais non, voilà, c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Donc voilà. Et on va dire que j'ai commencé mon retour en salle avec des films intéressants, mais qui vont pas passer leur potentiel, et que peut-être que je serai moi-même encore mieux surpris, encore plus agréablement surpris dans les trucs à venir, quoi. Je voudrais le dire comme ça. Ouais, Ok. voilà. Ok. Ok. Bah moi j'ai terminé avec Mandibule de Quentin Dupieux Avec qu'on une grosse attendait. mouche. Ouais, et mais arrête de spoiler tout, toi. Donc je disais que Mandibule qui était vachement attendu. D'ailleurs, en fait, quand je crois qu'à un moment pendant le confinement, t'as des gens qui avaient trouvé une copie sur Internet et qui faisaient les malins en mode Oui. je l'ai vu, je l'ai vu. Ils se sont tous fait bâcher, donc du coup ça s'est un peu Ouais. arrêté. Donc Ouais, d'ailleurs, si je peux me permettre, ouais. le mec qui avait fait un, il avait fait genre une critique vidéo en mode, ouais, moi je l'ai vu, machin, tout ça, blabla. Et t'as Quentin Dupieux qui lui a dit, efface tout de suite ton truc parce que, il lui a dit, efface tout de suite. Tu vois, genre, fais pas le con, quoi, fais pas le con, on va pas Tu sais, aller, quand t'as le réa qui te répond directement, tu fais bon, oui, d'accord. Tu vois, bah, je suis pas après. Je lui dis d'accord, parce que le mec, il Quand va t'as le réa finir qui te par faire répond, c'est ses qu'il a rien à putains foutre de de toi, gamme. mon fils. Non, mais non, pas forcément. Mais D'accord, mais bon. Voilà. bref, donc Mandibule. Alors là, pour le coup, en fait, on avait, enfin, Quentin Dupieux, il renoue avec un autre duo de comiques, tu sais, comme il y a quelques années, je sais pas, il y a un moment quand même, Steak, il avait fait avec Eric Ramzy. Oui. Et du coup, là, c'est le duo du Palmachot qu'il aime bien. Puisque je crois que c'est Grégoire Lustig, je crois, avec Ouais, David Marseille, Grégoire Ludic, eux deux ouais. aussi dans la gueule con. Ouais, oui, parce que dans Adieu les cons, il y a des petits caméos comme ça. Il y a aussi le sosie officiel de Nio qui joue dedans. Et aussi dans Dieu les cons et dans le discours bientôt. Ouais, aussi dans le Oui, discours, c'est ouais. vrai. On Et sait là, pas c'est bien marrant. du tout de qui on parle, en Mais si, mais si. Le gars de Brest, voyons. fait. Tadam! Et donc, ouais, parce que Dupieux avec Grégoire Ludig, il avait fait le film avec Poulvorde au poste. Ah ouais. Ouais. Et je sais pas si. Attends, est-ce que je me souviens plus si David Marseille il jouait dedans aussi. Mais clairement, en fait. Clairement, il. Ouais, non, il était pas dedans. Mais clairement, en fait, le. le film tient beaucoup de ce duo, en fait. Enfin, il y a une espèce de bonne synergie entre l'univers de Quentin Dupieux, le jeu d'acteur du duo, et là, le fait qu'il y ait une créature. Voilà. D'accord. Donc l'histoire en gros c'est deux poteaux un peu benêts mais qui visiblement sont partants pour tout, même quand c'est foireux ni pas forcément légal, qui tombent sur une mouche géante qu'ils décident d'apprivoiser pour se faire de la thune. Et voilà, il y aura diverses rencontres, un malentendu, que tout ça viendront se mettre en travers de leur chemin. Et en fait, avec une fin qui est plutôt mignonne, quoi. Et on est plutôt sur un casting actuel, parce qu'il n'y a pas que ceux du Palma Show. On a aussi Adèle Exarchopoulos. C'est dur à dire, hein. Non, ça va, Exarchopoulos. Il y a India R qui jouait dans Poisson Sexe. Nio, bah voilà, donc elle joue Et dedans. aussi Crash Test. Hein? Quoi? Tu te rappelles plus ces films avec India Air, Crash Test Agréé? Non, moi j'ai vu que pour son Oh là sexe, là, c'est hein. vieux ça! Mais non! Crash Test Agréé, je m'en souviens ça! Moi, je sais pas ce que c'est comme si j'ai pas vu. Donc j'ai vu que Poisson Sexe et qui était vraiment sympa. C'était 2017, Crash Test Agréé. Bah, c'est pas si vieux que ça. Ça va. Il y a aussi Roméo Elvis. Alors, c'est très bizarre parce que Roméo Elvis, en fait, il joue. Tu saurais pas trop quel âge lui donner, en fait, dans le film. Et il y a un petit truc un peu chelou, parce qu'en fait, on sait que Roméo Elvis, il a une histoire un peu MeToo qui lui traîne au cul depuis quelque temps. Et donc à un moment dans le film, il plonge dans une piscine et il s'approche d'une personnage féminine et la fille dit t'as ta main sur ma cuisse là. Et donc en fait, avec le recul, quand tu sais qu'il a une histoire un peu MeToo au cul, ça fait très bizarre de voir ça, quoi, tu vois. Donc ouais, et puis alors il y a Bruno Lochet, des chiens. Qui joue un petit rôle ici. Donc c'est assez. Le casting est plutôt sympathique. On n'est pas sur des acteurs chiants ou identifiés cinéma d'auteur chiant. Donc si tu veux, c'est pas désagréable. Oui, j'ai un petit problème avec les acteurs identifiés à auteur chiant, en fait. Voilà. Et donc, ouais, je dirais rien pour Emmanuel Béard, Non, mais non, en fait, en plus, elle sort un film. Il y a un film qui sort d'elle mercredi, et en réalité, ça fait un moment, je crois qu'on l'avait pas vu, il me semble, mais voilà, tant mieux pour elle. Donc, Mandibule. Et en fait, effectivement, donc voilà, il y a la bonne synergie entre la créature, le duo et l'univers de Quentin Dupieux. C'est, comment dire, c'est à la fois un peu, il y a un peu, c'est surréaliste, c'est une bulle surréaliste. C'est-à-dire que tu saurais pas trop où situer ça, en termes d'époque, tu sais pas trop non plus. Enfin, ça fait si. Enfin, ça peut être à une époque moderne, mais en même temps, ils sont tellement ringards tous les personnages que voilà, c'est ouais. Et puis l'image est très très belle. Moi, je trouve que ça fait assez lumineux. Et j'ai pas beaucoup, j'ai pas eu le temps de faire toutes mes notes, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu présidente. Non, moi, il y a un truc qui m'a un peu déçue, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, bon, je me suis pas esclaffée de rire. C'est-à-dire que il y a un potentiel sympathie sur le film, c'est une bulle de bonne humeur, mais après, je me suis pas hyper esclaffée. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas mon humour non plus, hein, j'en sais rien. Non, mais par contre, c'est vraiment, vraiment sympa à regarder. On passe un bon moment. J'étais avec quelqu'un qui a plutôt bien aimé aussi. Moi, la déception, c'est au niveau d'Adèle Exarchopoulos. C'est-à-dire qu'on dans la promo, on te la vend comme un truc super drôle, quoi. Et on le voit dans la bande-annonce, c'est parce que son perso se met, parle très fort, quoi. Et que, en fait, la manière dont c'est amené, ça reprend, on la voit plusieurs fois, qui dit rien, et d'un coup, pam, on s'aperçoit qu'elle parle super fort. Et le gag, ça va 5 minutes. Et après, on passe sur le fait qu'elle est assez cringe, en fait. Et c'est, enfin, moi, c'est censé être drôle, mais moi, il y a un moment, ça avait tendance à m'agacer, en fait. Après, c'est pas si, voilà, il y a aussi, elle génère quelque chose, une action. Finalement, elle génère, en fait, son personnage est à la fois cringe et en même temps, il génère de l'action, quelque part, en fait. Il génère une énergie, qu'il n'y avait pas forcément avant. Mais après, dans l'ensemble, oui, je sais pas comment dire, en fait, il y a un côté un petit peu film choral, finalement. Parce que en fait, on part des deux personnages, mais finalement, tous les rôles secondaires sont pas si mal définis. Non, peut-être pas film choral, mais il y a un bon panel de rôles secondaires. Et en fait, l'avantage, enfin, un des points positifs, c'est qu'on s'attarde pas sur les trucs. C'est-à-dire que on pourrait le quiproquo, quand finalement tout le monde s'en aperçoit. On passe pas à un côté, un truc hyper dramatique qui va durer 30 plombes. C'est oups, allez hop, et on passe à autre chose. Et du coup, ça évite bah, des trucs où finalement, c'est comme le personnage de Bruno Le Chat, en fait, finalement, ce qui lui arrive avant. Après, on le revoit plus, quoi. Au début, on le revoit plus. C'est-à-dire que on va à l'essentiel, en fait. C'est des choses qui font. On va sur des trucs qui vont à l'essentiel, ce qui fait que du coup, il y a rien. C'est pas. Y a pas. On passe pas à des trucs dérangeants et qui vont devenir chiants et qui pourraient être faits de manière maladroite. Voilà, donc voilà, on a passé un super bon moment en fait, c'est plutôt sympa, voilà. Et puis ça donnerait presque après, alors il y en a qui, ça donnerait presque envie de revoir en fait une collaboration entre les mecs du Palmachot et Quentin Dupieux. Bah je trouve que franchement la synergie se fait bien entre les deux quoi. Mais ouais, non, c'est. Après, il paraît que enfin, ça pourrait être. Je suis pas spécialiste de Quentin Dupieux. Moi, j'ai vu qu'un film lui avant. Mais a priori, ça pourrait être son plus accessible, quoi. Son film Ouais. le plus accessible. Déjà, de par le casting, hein, je veux dire, c'est pas. Enfin, entre Adèle Exarchopoulos et surtout Roméo Elvis, enfin, je veux dire. Et puis le Palmacho, je veux dire, t'as une espèce de synergie. Qui on dirait de casting adressé au grand public là. Donc je sais pas, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà, pour moi c'était pour René. Donc D'accord. ouais, j'espère que bah on vous a donné un petit aperçu des films à voir avec cette ressortie. Et puis bah en fait c'était notre dernière, donc. On est à la fois, ça va faire bizarre de pas se retrouver tous les dimanches, mais en même temps on est content parce que un truc régulier quand même, c'est à tenir sur plusieurs mois, c'est un peu fatigant. C'était un peu compliqué aussi parfois. Comment? C'était un peu compliqué aussi parfois. Voilà, non, au niveau des emplois du Voilà. temps, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas, d'un petit mot à dire, Nelson et Nio. Bah, écoute, ce fut un plaisir d'avoir partagé tous ces moments de confinement cinématographique avec les auditeurs. Malgré que parfois ça a été compliqué à faire, on a bien, comment dire, on a bien aimé, enfin, pour ma part, j'ai bien aimé faire ça. Ça faisait parfois des petites galères, des grosses galères même d'agenda. C'était très sympa. Je sais pas de quoi demain sera fait, parce qu'un autre confinement est possible. Mais en Oh, tout mais ça cas, va, vous avez fini d'attirer la poisse, là? mais en tout cas, on a bien kiffé. Pardon, merde, je recommence. J'ai bien kiffé. Ouais. J'ai bien kiffé faire ça. Mention spéciale à ma première critique de Blue Thunder, où j'ai complètement merdé, mais que je tiens à dire que le film est vraiment bien. Regardez-le, il est vraiment super bien. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était un très bon moment passé avec mes amis. De toute façon, quand il y a un hélicoptère, Nelson est toujours content. Voilà, c'est ça. C'est ça. Rambo 3, il y a un hélico, je suis content. Bon, bah, les Mio. amis, moi je vais dire un peu tout comme Nelson, mais en faisant plus court. Bah, c'était cool. Et on vous dit tous au revoir, sinon à bientôt. Qui sait? Ouais. Ouais. Et Puis on... comme on disait à la fin de comment ça s'appelle, des Cités d'Or, au revoir. Non, et Ah. puis de toute façon, au pire, on vous retrouve sur notre chaîne YouTube quand on se décidera à mettre des nouvelles vidéos. Voilà, donc entre éventuellement les prochaines Minute Neo et nos vidéos spéciales. Sachant que bah, si vous voulez voir un peu ce qu'on a fait, allez-y, The Pony Cosmic Club sur YouTube. Donc voilà. Ouais, allez-y, on fait un très beau truc sur 0,9. Exactement. Et David Voilà. Bowie en début de l'an dernier, quoi. Et David Bowie aussi. Voilà. Ouais. Hommage, hommage. Voilà. Ok. Bon. Bah, bisous à tous. Allez, on est bisous pour moi. Ciao!